Bonjour Annaëlle. Bonjour. Alors, moi, je me présente, je suis étudiante et je fais partie de l'association Radio Alumni. Donc, toi qui es sortie de la formation des nouvelles pratiques journalistiques à l'Université de Lyon, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ton cursus, ton parcours et le métier que tu exerces aujourd'hui? Alors, merci de me recevoir. Déjà, moi, avant d'intégrer le master de nouvelles pratiques journalistiques de Lyon, je suis sortie d'une licence de sciences politiques. Une licence de sciences politiques à l'Université de Lille qui m'a apporté en fait un socle de connaissances solides sur de multiples sujets. J'ai eu des matières comme la philosophie, la pensée politique, l'histoire politique, l'analyse des crises et des conflits. Et je suis sortie de cette licence en voulant toujours aller plus loin sur tous ces sujets. Et pour moi, le métier de journaliste, c'était un métier évident qui pourrait me permettre de m'intéresser à ces sujets tout en relayant l'information. Bah merci beaucoup déjà. Et je voudrais savoir qu'est-ce que l'école t'a apporté, la formation, ça t'a apporté quoi? Ouais, déjà pour moi, c'était une formation qui était un peu unique dans la manière dont elle appréhende le journalisme. C'était un métier qui me faisait assez peur de par la concurrence et aussi par l'évolution constante du métier. Et je me suis dit que cette approche, et du coup pour moi c'est une approche plutôt moderne du journalisme, et il y avait aussi la manière dont la formation, elle reste généraliste, elle n'enferme pas dans une voie du journalisme. Ça veut dire que je pouvais faire tant de la radio que de l'écrit. Donc voilà, pour moi c'était vraiment intéressant comme formation. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, je suis journaliste à la radio. Donc j'ai quand même gardé cet aspect oral qui m'intéressait déjà dès que j'étais en licence. Hein. J'avais créé mon podcast avec des camarades de la licence. Je faisais partie du pôle podcast d'une association. Donc je savais que je voulais aller vers cette voie, mais je ne voulais pas m'enfermer. Et c'est ce que m'a permis cette formation également. Et pour toi, c'était quoi tes points forts pour entrer dans cette formation? Alors, déjà, je pense que j'étais vachement curieuse. Je m'intéressais à tout, surtout. Et je voulais toujours aller plus loin. Et j'ai toujours pris cette habitude de relever ce que j'apprenais. J'écrivais beaucoup aussi. Et je pense que c'était un point fort chez moi. Et aussi cet aspect d'esprit critique qui a toujours été présent chez moi. J'ai toujours aimé remettre en question et en cause ce que j'apprenais. Ok, merci beaucoup. Merci.